vogue pas. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 8e épisode de l'Another Podcast. Aujourd'hui, nous sommes 4 pour présenter l'émission. Il y a moi-même, François, Laurent, David et Dominique. Aujourd'hui, je vous propose tout de suite de commencer par le sujet Goat Simulator. Le jeu du siècle. Le jeu de l'année. Qui est sorti quand il y a... millénaire. Il est sorti ces jours-ci, cette semaine. Récemment. Qui est sorti donc la semaine dernière. Disponible sur Steam pour une dizaine d'euros, je crois. Un truc comme ça, ouais. Alors, vous en avez parlé rapidement lors d'une émission précédente, et c'est vrai que après avoir testé le jeu, ben, c'est du lourd. C'est du très lourd. Ça remplit même plus la promesse initiale. Ah, j'avoue. On ne savait pas s'il allait sortir, mais là, on est vraiment comblé. Disons qu'on en avait parlé la dernière fois, et on avait dit, il y a des bugs et il faut que ça reste. Ils sont restés, et ils sont là, et ça fait plaisir, parce que c'est vraiment le principe du jeu. Je me demande si le jeu n'est pas un bug, un bug en lui-même, avec des choses au plus. Ah, c'est vraiment le cas. Alors moi, j'ai pas eu le temps de le tester complètement, j'ai envie de dire. Ah, complètement, on peut pas, je sais pas si on peut Je vais retourner, fouiller dessus, dessous. Ouais. À ce que j'ai pu voir, apparemment, il y a des challenges à effectuer ou des... Il y a des missions. T'as des petites missions qui... Bon, faire sauter au-dessus d'un objet, envoyer un objet à plus de 250 mètres. C'est un mélange de tutoriel et de mission. Disons qu'il y a beaucoup de succès, des achievements dans le jeu. Voilà, débattre le record de hauteur, etc. Écraser autant de gens, faire des combos. Il y a beaucoup, quelle que soit l'action que tu fasses dans le jeu, tu as un succès à bout d'un moment. Et voilà, donc le jeu au début te guide un peu. Tu apprends à sauter, à escalader, à projeter des choses, etc. Mais bon. En fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Est-ce qu'il y a des missions, du genre aller sauver une autre chèvre perdue dans... Peut-être, on ne sait pas. Par moment, tu arrives à des endroits, et puis ils déclenchent un événement spécial. Tu t'approches d'un groupe de personnes, et puis hop, tout d'un coup, ils déclenchent, tu dois en faire fuir un maximum, alors tu commences à rentrer dedans. Mais enfin, c'est vraiment un jeu avec une liberté totale. J'ai vu qu'il y avait un time attack en mission, je ne l'ai pas essayé. Mais... Il y a plein de choses. Oui, c'est ça, tu as 30 secondes pour faire un maximum de points de combo, quelque chose comme ça. Enfin, bon. Mais t'as des petites missions qui au début, enfin, se débloquent au fur et à mesure que tu les réussis. C'est et la dernière, je crois, enfin, pour moi, la celle où je me suis arrêté, il faut faire 2 millions de points en tout. Donc, bon, c'est un peu long, je vais pas aller jusque-là, mais bon. Mais après, tu fais ce que tu veux, quoi. Tu peux te contenter de faire courir ta chèvre dans tous les coins, rentrer dans les chèvres, etc. En fonction du temps que tu mets dessus, c'est plus une chèvre à la fin que t'as. C'est super chèvre. C'est vrai, apparemment, on peut équiper la chèvre, puisque moi, j'ai vu que vous aviez mis une machine de lancer de baseball au-dessus. C'est ça. Il y a une espèce de petit enclos où tu t'approches de la machine, tu la mets sur ton dos, et puis tu peux courir dans la nature et lancer des balles de baseball à tout le monde. À l'infini, bien sûr. À l'infini, bien sûr. Ouais, c'est faire exploser les camions, et enfin, il se passe des trucs à l'écran, c'est magnifique. On n'a pas encore fini de faire le tour de jeu. On est déjà presque frustré. Moi, j'attends un mode multijoueur pour ce jeu, mais bon, on verra bien. Ça pourrait venir, hein. Ça se lance déjà sur Steam. Après, selon le nombre d'argent qu'ils vont récolter, je pense qu'ils vont commencer à développer. Est-ce que c'est un projet Kickstarter, puisque on en a pas, on en a parlé la dernière fois. C'est vraiment parti d'une farce, hein, je pense. Mais... On a vu, c'est une grosse connerie. Les gens se sont dit, tiens, il y a des simulateurs pour tout. Ils vont faire un simulateur de chèvre. Ouais. J'avais vu dans la description, ils ont dû mettre un truc du genre, maintenant vous avez un simulateur de chèvre. Voilà. Quel est le prochain? À quoi on va avoir droit maintenant? Je ne sais pas. Elephant Simulator? Je préfère même pas imaginer. Disons que quand tu débloques des succès, tu peux modifier ta chèvre. Et tu peux avoir, il y a une option Tall Goat. Et en fait, c'est une girafe. Ouais. T'as une option Feather Goat. Et c'est un dindon ou une autruche. Donc déjà, ils ont fait des modifications. C'est assez sympa. Et David, toi, ça ne te tente pas ce genre de jeu? Non, mais ça a l'air intéressant. Et tu parlais, est-ce que c'était Kickstarter ou pas? Mais c'est vrai que la dématérialisation, elle permet de sortir des jeux comme ça. Parce qu'à une époque où c'était 50 euros le jeu, tu ne pouvais pas avoir des projets comme ça. Et ça, c'est intéressant d'avoir des projets complètement fous. Et tu payes une dizaine d'euros et voilà, qui n'a pas vraiment de but, quoi. T'en as pour ton argent. C'est ça. Quand les gens l'achètent 10 euros, t'as une place de cinéma. Je m'entends dire que là, t'en as pour des vins. À moins d'avoir le film Goat. Puis graphiquement, c'est beau quand même, quoi. C'est sympathique. C'est pas... Et surtout, je crois que tu as beaucoup apprécié la musique. La musique est très belle, oui. Je pense qu'au bout de 2 minutes, on coupe la musique et on met sa propre musique. J'ai laissé pendant les 5-6 heures de jeu. La musique, tu deviens très vite accro. Après, ah, c'est un jeu que j'attendais parce qu'il y en a pas, il y en a pas beaucoup des jeux comme ça, hein, des jeux où tu peux faire un peu n'importe quoi, la détruire à la façon GTA quoi. Voilà. Il y, a, y je... avait en gros n'importe quoi, il y avait Dead Rising 3 qui était quand même assez au niveau des armes, ouais. Niveau, c'était vraiment. Le jeu te dit bon bah tu peux aller là sauver les gens, puis bah, non tu vas faire un tour ailleurs. Et sauver pourquoi tu peux les tuer. T'avais des tenues mais des armes complètement folles. C'est la liberté absolue. Mais après, je sais qu'il y avait des jeux sur console comme ça où tu lançais ton mec d'un canon, j'en sais rien, tu devais faire un maximum de points, tout ça, mais c'était exclusivement console, donc t'avais pas de jeu sur PC comme ça, donc c'est dommage. Est-ce que c'est ça la musique de God Simulator ? C'est un peu ça. C'est bien ça. C'est vrai que ça a pas l'air stressant comme musique. C'est parce que tu n'es pas en train de courir dans la nature avec une chèvre. C'est parce que tu peux pas lécher les objets avec. Voilà. C'est vrai qu'on sort la musique de son contexte. Plus ou moins. Tu passes ça en boîte de nuit, mais ça en cartonne. Il y a plein de chèvres qui viennent. Hein, exactement. Soirée chèvre, allez, ouh. Soirée chèvre. Je pense qu'après ça, on peut enchaîner sur un album découverte Sad Robot. Voilà. Il y a un petit côté derrière. Old school, vintage, voilà, rétro gaming, je ne sais quoi. C'est quoi, c'est la version Deezer? Est-ce que ça sort sur console ou seulement sur Steam? C'est que sur Steam et sur PC. Tu parlais de simulateur d'éléphant, mais ça me rappelle que dans Postal 2, tu avais toute une histoire avec des éléphants, un cirque, rappelle-toi. Postal 2, il y avait les n'importe bêtes. Quoi. Voilà. La tête de bœuf. J'ai jamais compris la tête de bœuf. Je pense qu'on est dans le même genre. On est dans le même genre. Moins trash quand même. Un peu moins trash. Mais ouais, moi j'attends des nouvelles maps, de nouveaux trucs. Parce que là, 10 euros, d'accord, mais t'es quand même limité. Au bout d'un moment, t'as fait plus ou moins le tour. Donc, bon, certes, tu vas y passer pas mal d'heures, mais au bout d'un moment, t'as fait le tour. Ne serait-ce que pour la musique. Pourquoi ? Je sais pas s'il y a un créateur de map. Peut-être. C'est ça que Peut-être que les développeurs font exprès, ils nous allèchent, et puis hop, tout d'un coup, hop, ils retiennent un peu, et on donnera des trucs en plus petit à petit, voilà. Un add-on, attention. Voilà, tout est possible. Un mode multijoueur. Vu qu'il y a déjà des armes et tout, etc., à mon avis, le mode multiplayer pointera le bout de son nez, peut-être pas tout de suite. Un MMO comme un mode simulateur. Mais bien sûr. MMO avec des skill points et tout. On va créer son personnage de chèvre et tout, peut-être. Eh bien, on va enchaîner sur une autre news. Ceci ne sera pas un album découverte, mais c'est un album qui est sorti il n'y a pas trop longtemps sur Spotify. Alors, quel est le nom de ça ? C'est Sleepify, tout simplement. Sleepify, bah oui. Sleep, ça s'écrit S-L-2-E-P, hein. C'est pas S-L-I-P. Hein. C'est pas de la musique avec des slips, pas encore. Quoique, c'est un concept qu'on pourrait... C'est un concept, on ne sait pas. La prochaine émission. Hein. Il faut que je dépose la marque. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une idée... pas de génie, mais une très bonne idée. Donc, il s'appelle Ann Arbor. Et qui a décidé de lancer un album sur Spotify, puisque tous les auteurs, tous ceux qui proposent la musique sur Spotify récoltent plus ou moins de l'argent lorsqu'il y a des écoutes. Voilà. C'est très faible par album, mais ça, il récupère quand même quelques sommes d'argent. Et lui a décidé de produire un album de silence complet, et de le mettre sur Spotify, d'inviter les gens, donc il fait une vidéo qui est plus ou moins marrante, et il demande aux gens d'écouter l'album, par exemple, pendant la nuit, de même mettre le son, puisque c'est voilà. Du silence complet. On peut peut-être éviter de le mettre pour se réveiller, par contre. Il ne veut pas qu'on le mette en shuffle, hein. C'est important à dire. C'est quand même un album avec 10 pistes, un vrai album concept. Donc apparemment, il invite les gens, avant d'aller dormir, à écouter l'album. Et pour 800 donc, écoutes, il gagnera 4 euros, enfin 4 dollars. Il a utilisé le système. Spotify, c'est ça, tous les créateurs gagnent un petit peu d'argent. Au nombre d'écoutes, c'est ridicule, c'est des petites sommes. Mais bon, si jamais ton album est écouté plusieurs milliers de fois, ça fait un petit peu d'argent qui rentre. Quoi. Mais c'est pas le premier à avoir fait ça. Hein. Il y avait un artiste, je ne sais plus quel pays, qui faisait des albums complètement bidons. Par exemple, tu voulais faire un cadeau d'anniversaire à quelqu'un qui s'appelle, au hasard, François. Tu peux lui offrir un album, tu trouves sur Spotify, un album avec 10 chansons qui sont dédiées à François. Tu as des albums comme ça pour tous les prénoms. Et c'est des albums faits à la main, enfin faits préfaits. Il y a juste le prénom à remplacer. Limite un album avec une chanson avec un blanc et tu mets le prénom à la place que tu veux. Et voilà. Et il suffit qu'il y a quelques gogos qui tombent dessus et que ça se vende à quelques milliers d'exemplaires et ça fait un petit peu d'argent. Ils n'avaient pas fait la même chose avec le Club Dorothée. T'avais un CD bon anniversaire. Mais t'en as de toute façon des CD anniversaire et t'as le nom qui change à chaque fois. Tu l'achètes sur internet, tu tapes le prénom de ton enfant, puis il t'envoie une BD avec dont le héros porte le prénom de ton enfant. Et c'est personnalisé. C'est bon, mais il est content comme tout, puis voilà, ça coûte pas cher à faire. Mais ça fait pas autant foutage de gueule que ce projet. J'avoue que là, mais... foutage de gueule et un côté un petit artistique. En même temps, son but, c'est, apparemment, c'était de promouvoir son groupe parce que s'il arrivait à obtenir atteindre son objectif, il pouvait organiser ses concerts. Quoi. Voilà. Ouais, le but c'est de faire donc, finalement voilà. Mais est-ce qu'il va jouer cet album-là? Ah, c'est ça. C'est est-ce qu'il a un vrai groupe et que en fait du coup est-ce qu'il a un vrai groupe et que c'était juste un projet pour promouvoir son groupe et dans ces cas-là bah c'est intéressant parce que c'est un moyen de se faire connaître comme les autres. Bah voilà c'est ça. Ou est-ce que c'est foutage de gueule jusqu'au bout et qu'il va être avec son groupe et ils vont rien jouer, ils vont jouer du silence. Avec la guitare pas branchée, tous les instruments pas branchés. Si je vais à son concert, moi je joue les morceaux là. Avec les gens qui reprennent en cœur. Mais vous la connaissez par cœur en fait. À vous. Parce qu'après ils pourront sortir une version live de l'album. On l'entendrait juste les pas des gens. Les briquets, ou je ne sais pas. Et quand il va parler de son deuxième album, qu'est-ce qui a changé? Bah, les silences, on a vraiment pris de la maturité dans les silences. Voilà. On les aime mieux qu'à T aussi. C'est l'album de la maturité. C'est ça. On va en faire un HD aussi, pour mieux entendre. Mais la variété française pourrait s'inspirer de ce concept. Certains pourraient. Quelquefois, en écoutant certains attirent de ça serait bien qu'ils fassent du silence. Je pense à Rock Voisine, hein, bien sûr. Tout à fait. Alors. Il est très important, comme dirait l'artiste, de ne surtout pas mettre l'album en aléatoire, puisque toutes les chansons ont été prévues pour que tout cela soit cohérent. Pour qu'il y ait une continuité dans ce silence. C'est normal. Et ben, t'imagines, il arrive dans la pièce, il fait « Eh, mais pourquoi t'es passé de la 5 à la 2 comme ça ?» Il arrive à voir la différence, hein, l'artiste. Je ne suis pas sûr, mais bon. Je pense que lui ne sera pas sujet au téléchargement illégal, en tout cas. On ne sait pas. Mais tu veux pas passer un morceau ? Bon, en fait, depuis tout à l'heure, ça tourne. Je l'ai coupé pour la musique de Gomme. Voilà. On fait une petite pause pour les intermittents du spectacle et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours sur la radio Belle à Fontaine dans l'Another Podcast. On va parler maintenant d'un jeu qui vient de sortir lui également il y a quelques jours, Edge of Wonders 3. Alors même si c'est un jeu qui n'était pas forcément très attendu, il fait quand même plaisir qu'il sort, en tout cas pour ma part. Mmh. Alors pour faire un petit flashback, hein, le premier Edge of Wonders a dû sortir plus ou moins vers l'année 2000. Quelque chose comme ça, oui. Et qui depuis s'est offert 3 épisodes qui étaient plutôt sympathiques, sachant que le dernier qui date de 2003, lui, n'avait pas forcément rencontré le succès. Mais en tout cas, les deux premiers avaient bien marqué les esprits. Alors, Edge of Wonders, c'est quoi ? C'est un concurrent en tout cas de Heroes and Might and Magic, ouais, c'est ça, hein. Dans le sens où on a un personnage qui va se balader sur une map et ensuite recruter des unités. Il rencontre des unités, construit des villes, il explore, il gagne de l'expérience, il trouve des armes, il devient plus fort, il recrute d'autres unités qui sont encore plus fortes, il va affronter des ennemis plus forts et il explore et voilà, voilà. Alors au niveau du combat, moi ça m'avait fait assez penser à Dog of War Online qu'on avait testé. Ce système de cases hexagonales sur lesquelles on se déplace, tour par tour. Chaque unité joue à son tour, elle se déplace, elle tape, ou elle tape à distance, elle lance des sorts, elle se repose. Tous les jeux de ce genre-là sont plus ou moins basés sur ce système de combat. Tout simplement, oui. Comme un vrai jeu de combat de figurines sur table, où on joue à tour de rôle. Alors moi j'avais assez peur, hein, puisque Edge of Wonders, c'est un jeu qui m'avait beaucoup plu, en tout cas le 2 ou le 1, on l'avait vraiment bourriné. Ça se ressemblait assez les deux. Et j'avais peur que sur le 3 ils en fassent trop, un peu comme les Heroes and Might and Magic, les derniers, on a l'impression qu'ils en mettent de trop et qu'ils essaient de changer le système pour rénover. Ici on repart sur les bonnes vieilles bases de Edge of Wonders. On sent qu'il y a du travail. C'est pas juste quelqu'un, un studio russe ou polonais, genre celui qui a fait Rambo, le jeu vidéo, qui a racheté la licence en disant on va sortir notre jeu. Voilà. C'est ce qui s'était passé pour Cannon Fodder 3 par exemple. Aïe aïe aïe. Voilà. Quelqu'un a racheté la licence, on a le droit de sortir le jeu, pas de problème. Ou le film Terminator, quelqu'un a eu la licence pour pas cher. Il a sorti un film Terminator, ce qui est absolument terrible. Mais voilà, il a eu le droit de le faire. Et bon, dans tous les domaines, il y a ça. Là, c'est vraiment, on sent qu'il y a du travail derrière, et c'est vraiment, ça fait plaisir de retrouver la licence. Quoi. C'est pas juste une version graphiquement améliorée des anciens. Alors apparemment, le projet était financé par Marcus Notch Persson, le créateur de Minecraft. C'est vraiment un projet qui suscite l'engouement, en tout cas, de plusieurs joueurs et même des créateurs de jeux. Un jeu fait par des joueurs pour des joueurs. Moi, j'ai pas eu l'occasion de tester. Par contre, j'ai vu la blinde de test qui parlait justement du sujet. Et c'est vrai qu'on a la création d'un personnage comme on aurait par exemple dans un MMO qui est vraiment sympathique. Tu crées vraiment ton personnage visuellement et tout, ouais, comme dans un MMO, il n'y a pas de problème. Et ensuite, tu peux recruter des troupes, tu te balades sur ta map, tu récupères divers objets. Voilà, il y a un vrai scénario en plus derrière, qui l'histoire est vraiment passionnante, c'est vraiment un scénario super construit et tout, complet, qui donne vraiment envie de suivre l'histoire. Et au niveau des combats, c'est un peu moins poussé qu'un Dog of War, mais c'est plus poussé qu'un Heroes and Might and Magic. Ouais. Donc c'est vraiment le jeu entre les deux. Et j'étais en train de penser, c'est vrai que Dog of War, je trouvais ça un peu compliqué, un peu trop lent. Heroes and Might and Magic, je trouvais ça quelquefois un peu trop simple dans les combats. Et je pense que là, on atteint juste le milieu. On est très limité. Enfin, on voit la grille, on est un peu limité. Ça fait plus arène. Tandis que là, on a vraiment l'impression d'être dans le paysage. On attaque une ville, on a la ville, on a ses unités. Il y a de la place. On se balade presque autour du terrain, comme dans les jeux du style Medieval War, etc. Où on gère les unités. Ils se déplacent toujours sur des hexagones. Mais bon, c'est vraiment sympa. Et au niveau du combat, je veux dire, dans Heroes, tu as tes unités. Elles frappent, quoi. Elles ont peut-être des fois des passifs. Voilà. Dans Dog of War, chaque unité a plus ou moins presque des pouvoirs que tu peux utiliser. Voilà, je crois. Tu peux toucher les autres. Est-ce que dans Age of Wonder, c'est aussi des pouvoirs ou juste des... Il y a tout. Bah, la plupart, il y a beaucoup d'unités qui n'ont... Par exemple, il y a des unités qui n'ont que du corps à corps, d'autres qui n'ont que du tir. Enfin, c'est défendre aussi. Est-ce que tu as des pouvoirs spéciaux activés ou de la magie? Il y a toujours les sorts. Dans Age of Wonder, tu as toujours les sorts qui sont lancés par les héros. Tu peux avoir deux héros, etc. qui touchent les unités, etc. Ou pour booster les autres. Et tu as toutes tes unités que tu déplaces et tu dois choisir à chaque fois si elles attaquent aux distances, au corps à corps. Et selon la distance qu'elles ont parcourue, elles ont moins d'attaque. La plupart des archers, par exemple, ont 3 attaques sur une autre cible, pour peu qu'elles soient distantes. Mais plus tu t'approches de la cible, tu n'auras plus que 2 attaques à distance, puis une attaque à distance, et elles seront moins fortes selon l'armure. Tout est géré, et c'est vraiment simple, c'est vraiment agréable à jouer, c'est beau en plus, c'est vraiment très... Tu as testé ? Ouais, j'ai testé, et c'est vraiment sympa. Et tu peux recruter, dans mon leader, j'avais mon héros principal, j'avais un héros secondaire qui était venu avec moi pour une quête, qu'il fallait surtout pas qu'il meure, donc avec ses propres unités à lui, qui était une espèce de démon, et j'avais aussi des fées, qui avaient rejoint mon armée, enfin qui avaient une armée à côté, et c'est vraiment très simple, c'est agréable de se balader sur la carte, de développer la ville, on peut développer ses villes, on peut faire des recherches, etc. C'est vraiment sympa à jouer, et c'est vraiment très très très agréable. Ça fait vraiment plaisir d'en trouver le Edge of War. On trouve le plaisir qu'on a perdu depuis 10-12 ans maintenant, presque. Et en plus, apparemment, t'as pas que des personnages en supplémentaire, tu peux invoquer aussi des bestioles qui vont se balader avec toi sur la map. C'est vraiment, ça a l'air vraiment très riche, quoi. Autre chose qui est assez marrante dans le jeu, c'est que lorsque vous allez attaquer une case, comme il y a 8 hexagones, vous pouvez vous retrouver à plus d'une faction. Exactement. En combat. C'est ce qui est arrivé. Il y a un hexagone, donc c'est-à-dire qu'il y a à peu près 7 hexagones sur une zone de combat. Si tu places bien tes autres unités, puisque tu peux avoir plusieurs armées qui se déplacent en même temps, qui explorent la carte, si plusieurs armées attaquent en même temps, pendant le même tour, la même unité, eh bien, sur la zone de combat, tu auras tes trois armées, ou voire plus, j'ai fait que 3 pour l'instant, qui attaquent les armées en face, et dès qu'ils doivent se coordonner, bien sûr, t'as l'avantage, et c'est vraiment sympa. Mais imagine quand c'est 7 joueurs différents. Donc après, bien sûr, les personnages ont des compétences qui permettent soit d'invoquer des bestioles, soit même de convaincre des bestioles alliées de rejoindre le groupe. C'est très riche au niveau de la magie, des développements, développer tes armes, tes villes, pour qu'elles s'agrandissent, qu'elles aient de plus en plus de bonus, qu'elles débloquent des nouvelles unités, qu'elles soient plus fortes au départ. Donc apparemment, les archétypes ressemblent assez étrangement à ceux qu'on retrouverait dans le jeu de cartes Hearthstone. Ah bon ? Apparemment. Ah, bah, c'est du classique, c'est aussi ceux qu'on retrouvait dans les premiers Age of Wonders, quoi. Le mage, le nécromant, le guerrier pur, etc. Les elfes, enfin, toutes les races sont disponibles. Tu as des bonus, alors je ne suis même pas sûr, mais tu dois avoir des bonus quand tu as une armée constituée uniquement d'une même petite arme, que des fées, un autre ou une armée qui a... Si tu mélanges les fées, quoi. Dans ton armée, si tu mélanges les fées et les démons, j'imagine que tu as moins de bonus, etc. Ça me fait penser à Arcanum où tu pouvais... Mais tu as beaucoup de choses, choses à gérer, mais c'est très simple. Quand tu joues à tes différentes armées, tes petits groupes, enfin ces armées, c'est un héros et des unités qui se déplacent là. Tes villes, tes différentes villes que tu dois développer, faire des recherches pour avoir plus de sorts, développer les nouveaux sorts, Est-ce que tu augmentes tes villes pour qu'elles te rapportent plus de points de recherche pour aller faire plus vite des recherches? Il y a beaucoup de choses à gérer, mais c'est vraiment très simple. Et puis niveau graphisme, animation, ça a l'air correct, voire très bien. C'est vraiment excellent et ça rapproche beaucoup aussi d'un jeu qui était sorti il y a 2-3 années. Civilisation 5. Ça doit être le 5. Et on retrouve la même chose, gestion d'hexagone, gestion de civilisation, etc. Et c'est la même chose, on déplace les unités. On retrouve beaucoup de plaisir de jouer. Je n'ai pas testé, mais tout le monde en parle, tout le monde le veut. Il est si bien que ça, Civilisation 5. Il est vraiment très très très très bien, ouais. C'est quoi, c'est un genre de... Ben, c'est Civilisation, mais version, enfin, comment dire, graphiquement, c'est vraiment sympa, avec beaucoup de richesses. Ben, tu prends un dirigeant d'un pays, enfin d'une nation, d'une civilisation, et puis tu développes, tu choisis de quand tu veux partir, tu peux jouer contre des humains ou contre des ordinateurs, et tu développes ta civilisation, tu essaies de conquérir des territoires. Il y a beaucoup de diplomatie. C'est un genre de... Comment ça s'appelait? Black and White. Non, on n'est pas vraiment dans le même genre. Non, c'est Civilization, qui est un jeu de plateau classique. Et il y a eu différents. Okay. Le premier Civilization doit dater de. Oula, ça devait être en 2D dans les années 80-90. Et là, on retrouve vraiment le même plaisir, le même travail. Il y a vraiment du travail derrière. Et... Bon, on va enchaîner sur un petit album découverte. Oh, il faut savoir que David passe ses journées à scruter les nouveaux albums qui sortent. C'est vrai. Qui m'a passé le petit mot en me disant « Tu savais qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un album de reprise d'Elvis Presley. Tu ne devineras jamais qui. » Effectivement, je n'ai jamais deviné. Voilà. Aujourd'hui, on va pouvoir écouter Amanda Lear, qui a décidé de reprendre les titres du grand Elvis Presley. De quelle drôle d'idée, consacré himself. Elle reprend en harmonique. C'est quoi? En philharmonique, tu veux dire? Oui. Ou en philtoco. Parce que je crois qu'il n'y a aucune harmonie du tout. Je ne sais pas. Le plus difficile, c'est de reconnaître la chanson originale. Bon, on reconnaît bien le monde à lire. C'est bizarre qu'elle ait choisi de reprendre l'album d'un mec pour Amanda Lear. Faut arrêter ces rumeurs. Il y a quand même du travail derrière. Oh mon dieu. Je connais pas Elvis. Je suis très surpris. Est-ce que tu reconnais Amanda Lear? Non. Je m'attendais à pire. Personnellement, le chant, ça peut encore aller parce que si tu prends par exemple des chanteurs comme Tom Waits et tout, si tu veux, t'as une façon de chanter un peu fausse qui fait le truc. Mais comme c'est très très très comment dire très carré au niveau de la musique, ça détonne un petit peu. On sent que c'est très super travaillé en studio parce que c'est ça. Ouais, donc quand tu dis travailler, c'est dire ils ont mis la voix en dessous des instruments. On a eu pire. On a eu pire où les ingénieurs essayaient de cacher la voix du chanteur. Là, non. L'autotune marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On cache. On monte le volume de la musique. Oh. Vu que c'est un mandalire, on peut peut-être écouter une autre chanson. C'est toujours Elvis Presley? Bah, malheureusement, oui, je pense. That's a good name for a place to go when your sweetheart has left you. A place to cry. Moi je sens qu'elle a voulu faire une ambiance cabaret à la Tom Waits, un petit peu au niveau de la voix, tout ça. C'est... Mais bien, ça va pas avec la musique quoi. Il y a une bonne intention. Mais elle chante à un moment ou. Non. Tu vois, il y a du mauvais goût. Il y a des musiciens derrière. Hein. Les pauvres. Bon, on va devoir couper un mandalier hein, pour faire venir les intermittents. Mais on peut reprendre un petit morceau après. C'est un jeu de mots, ça, couper un mandalier. Non. On continue cet Another Podcast, on était en train d'écouter du Amanda Lear. Et pourquoi s'arrêter sur... En si bon chemin. Pourquoi continuer ? Jamais 203. Jamais 203, c'est vrai. Encore Rock Voisine aurait fait plusieurs chansons avec Santana qu'on aurait peut-être tout écouté. Ou pas. Attends, l'album s'appelle comment ? Le New Album 2014. Okay. D'accord, bon, je suis pas sûr que ça fait pas. C'est quoi, c'est ou c'est Suspicious Mind. Marqué Monsieur Happiness. Parce que c'est vachement joyeux. Alors là, c'est original de redécouvrir le King, quoi. Là, on sent que la voix, ça part. Rire. Elle porte la musique. Bah, la voix, avoir du coffre, ça suffit pas. Hein. Bon. c'est ça fait un peu musique pour s'endormir. Hein. S'arrêter là. Ouais. C'est plus fort que Sleepify, en fait. Alors, j'ai préparé un sujet spécial 1er avril. Bon, ça date un peu maintenant, hein, ça date de la semaine dernière. Mais voilà, j'ai récupéré les news qui sont sorties sur les sites. On va en discuter, bien sûr, mais je vous demanderai également de me dire si c'est du fake ou non. Alors, nous avons récemment appris que l'éditeur de World of Warcraft, qui se situe en Chine, avait décidé de se reconvertir dans l'élevage de porcs. Donc, NetEase, qui est une société chinoise... Ils ont leurs clients, ça. Ils élèvent des porcs, déjà, non ? Ils payent 13 euros par mois, mais bon... C'est une firme qui gère notamment 163.com, c'est l'un des portails web les plus utilisés, mais elle officie également en tant qu'éditeur de jeux en ligne. Mmh. Et apparemment, elle a décidé récemment de s'intéresser à l'élevage de porcs. Bon, voilà, un peu comme Google, récupère de l'argent un peu partout. Alors, qui dit poisson, qui dit vrai ? Pourquoi pas, ils en seraient capables, mais je dis quand même fake. Pourquoi pas ? Fake pour le random ? Non, moi je dis vrai. Mais vrai, capable, Dominique, moi, je pense que c'est vrai aussi. Je vois pas parce que ça va être drôle en fait. Parce que c'est trop loin, je vais chercher trop loin. Ils auraient fait une idée de jeu si c'était un fake. Je vois pas. Et oui, effectivement, c'est vrai. C'est pas assez absurde. Alors j'ai vu la news, je me suis dit c'est un fake, donc je l'ai mis dans le dossier, etc. C'est du vrai porc au moins parce que. Alors peut-être qu'un jour on aura des morceaux de viande estampillés World of Warcraft. Donc deuxième news, Facebook a décidé de s'acheter donc Mojang, qui est tout simplement donc l'éditeur du célèbre jeu Minecraft. Donc dès à présent, Facebook donc intégrera Minecraft et Minecraft intégrera Facebook. Il y aura des boutons notamment pour dire j'aime ou etc. Bon, vu que je me marre, ça va pas marcher ce test. Non, non, puis c'était bon de toute façon. Non. On avait compris tout de suite que c'était fake. Et la nouvelle version aura pour nom Facebook 404. Alors, deuxième news. Jouer aux jeux vidéo est plus sain que regarder la télé. Absolument. Ah. Ça, je dirais que c'est vrai. Une récente étude de l'Université de Michigan a remarqué qu'il était plus sain pour les enfants de jouer aux jeux plutôt que de regarder la télé. Ça dépend quelle télé, après. Ça dépend quel jeu. Enfin, la télé, voilà quoi, n'importe quelle émission, je pense, est inclue dans ce test. Mmh. Ça dépend si tu regardes Arte ou TF1. Voilà. Bah, disons qu'on regarde Energy 12. Ah, d'accord. Oui, oui, donc là. Oui, non, mais non. ou Arte, si tu veux. Entre God Simulator et. Oui, entre God Simulator et Energy 12, non. Alors, attention, on parle de plus sain dans le sens pour la santé, le corps, etc. Et il se trouve que c'est vrai. Parce qu'ils ont remarqué que les enfants ont plus tendance à grignoter lorsqu'ils sont devant la télé, que dans un jeu vidéo, ils vont être plus ou moins absorbés. Ils sont plus actifs, un petit peu. Effectivement. Devant la télé, tu passes. Ah, c'était même. Il y avait des études scientifiques qui disaient que jouer aux jeux vidéo, ça rendait plus intelligent, ça permettait de réfléchir. Oui, c'est un travail de réflexe, c'est la même chose. Par exemple, les FPS, ça permet d'avoir des réflexes. Et l'épilepsie aussi. Ça fait travailler certaines zones du cerveau. C'est vrai, en plus, devant la télé, tu as les publicités qui t'incitent à consommer, etc. Bon, dans les jeux, il y a eu des tentatives de publicité, mais ça n'a jamais vraiment marché. Tu subis pas le programme, t'es actif, quoi. Tu fais, quoi. Alors, en plus, le top, c'est de jouer à des jeux style Wii et compagnie devant ta télé. Alors, voilà, en plus, c'est vraiment actif. Là. Après, ils disent pas que c'est bien de jouer aux jeux vidéo. Ils disent juste qu'apparemment, pour la santé, ça serait un peu mieux d'y jouer. La santé physique, est-ce que la santé morale, ça compte, tout ça ? Je sais pas. Autre news du 1er avril, vrai ou faux, ça va vous me le dire. Orange a sorti une nouvelle application qui va ravir les parents, qui s'appelle Orange ta chambre. Vu comment tu souris, ça sent pas bon. Justement, attention, il y a des trucs de fou. T'as un jeu de mots pour le 1er avril Donc c'est une application donc, que vous avez sur votre portable, et lorsque vous appuyez donc, sur ce bouton orange, ça vous permet donc, d'accéder à un appareil photo qui se situe dans la chambre et de voir si elle est bien rangée. Et si elle n'est pas bien rangée, donc, ça peut éventuellement bloquer le smartphone ou autre. Mais elle vérifie aussi le niveau d'écriture des SMS de votre enfant pour l'autoriser à envoyer un message. Ok. Pourquoi pas. My God. Elle vérifie s'il a fini ses devoirs, s'il a pris sa douche et que s'est brossé les dents également. Mais ça, on ne le dit pas. Ça, c'est dans la version 2. Bon. Pourquoi pas, je dis pourquoi pas. C'est pas possible. Ça va être en place un peu. Oh, ça pourrait être marrant. Hein. Après, techniquement, pour les parents, faisable, mais bon. Un peu trop envahissant. Voilà. C'est une très bonne idée, mais qui est fausse malheureusement. C'est dommage. On va lancer un projet Kickstarter pour qu'elle soit commercialisée. Faut changer de titre pour que ce soit plus sérieux quand même. Nous avons également donc Auchan Drive qui lance le Drive Nose qui vous permet de sentir les produits à tout instant. Pourquoi pas ? T'aurais dû commencer par celle-là, on aurait peut-être dit oui, tu vois. Non, mais les produits que de maintenant, il n'y a pas vraiment d'odeur sur les produits. Ah, t'achètes la pâté pour ton chien. Même les fromages. Elle a vu la merde cette salade. Oui, on l'a depuis deux mois. Les fromages industriels, etc. Ça sent plus. Ouais, donc, ce Drive Nose pourrait révolutionner la vie de centaines et de nombreux internautes. Ah, révolutionner, c'est peut-être un mot un peu fort. En tout cas, elle a lancé ce petit masque que vous branchez sur votre port USB. Très simple. C'est une bonne idée. Ça serait sympa. Et qui vous permet de sentir les produits. Et est-ce qu'on peut les déguster aussi? Il n'y a pas un truc USB pour les déguster, non? Ça viendra peut-être. Bien aussi. C'est vrai que ce serait quelque chose de sympa d'avoir des odorats ou je sais pas, ou n'importe quoi pas. À distance. Ou pas. Ça viendra. Malheureusement, c'était faux, hein, effectivement. Ah, quel dommage. Ensuite, OVH se lance dans le Cloud and Food avec son concept de bar à datas. Donc, ils annoncent l'ouverture d'un bar à datas. Alors, ça s'écrit avec un S, mais ça se dit comme les tapas. Oui, bien sûr. Attention, la prononciation se fait à l'espagnol, bien sûr. Le principe est simple et finalement pas bête du tout. Les clients peuvent venir avec leur disque dur et leurs autres périphériques de stockage afin de copier leurs données dans le cloud qui serait disponible donc dans ce bar. Quel genre de données ? Pour l'instant, que tu veux. Afin d'attirer une clientèle rapidement, l'hébergeur ajoute qu'il proposera un service de restauration rapide, burger et sushi à volonté. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment t'écris DATAS ? DATAS, mais ça se prononce tu partages comme à l'espagnol. Il y a plein de projets déjà comme ça. Mais... Bon, malheureusement. Mais c'est plus les sushis à volonté qui m'intéressent. Ensuite, l'antivirus Bitdefender lance Bit, B-E-A-T cette fois-ci, Defender pour protéger vos oreilles des morceaux douteux. C'est vrai que c'est un problème qu'on néglige souvent. Hein, on va plus pouvoir entendre nos albums découvertes. Voilà. Les gens vont plus pouvoir l'écouter. Genre, ça bloquerait notre podcast. On va être amputé de 10 minutes d'émission, hein. Au moins. Ouais. Mais qui jugerait de la qualité Une police du goût, tu vois. Voilà, c'est difficile. Moi, ça me tente, hein. Moi, c'est. Ça me semble compliqué. J'aimerais bien que ce soit vrai, mais tellement subjectif, facile, bon goût musical. Ouais, ça existe déjà. Tu peux mettre des filtres quand tu vas sur les sites de musique. Tu dis, voilà, je veux pas de techno, je veux pas de country ou je ne sais quoi. Ouais, mais je pense c'est dommage que de se couper de ça. Bon. C'est des choses qui existent, tu dois vivre avec. Voilà. Ensuite, le CERN utilise désormais le Comic Sans pour toutes ses publications. Ils ont fait cette annonce hein, tout simplement pour la bonne raison que 80% de la réussite d'un post ou d'une publication se fait non pas par le contenu, mais par la police utilisée. La présentation, ah, la police carrément. Voilà. Autre annonce, World of Tanks sort un mode labyrinthe. L'arrivée d'un nouveau jeu, d'un mode de jeu qui s'appelle Labyrinthe. Celui-ci met aux prises les joueurs dans des chars très pixelisés, dans un environnement rappelant Minecraft. Le tout sur un fond de musique 8 bits. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si, ça doit être vrai. Tu n'as pas le même jeu avec une chèvre. Une chèvre avec un canon de tank dessus. Oh, t'as déjà la musique 8 bits hein, avec la chèvre. Hein. Ouais, ça rappelle les vieux jeux de tank en 2D sur console où chacun dirigeait un tank, tu faisais tourner ton tank, tu tirais, voilà, c'est... premier qui tuait l'autre qui avait gagné. Donc ça, c'est une news qui est sortie le 1er avril, que les joueurs ont pris pour une blague et qui malheureusement était vraie. Pourquoi pas ? Ensuite, Google Plus va ajouter une nouvelle option. Encore ? Non. Qui s'appelle Auto Awesome Photobomb. D'accord. Donc c'est une application qui vous permet, lorsque vous prenez des photos avec votre Google Phone ou autre, de les rendre awesome, puisqu'elles ajoutent David Hasselhoff Mister T sur vos photos. Ah, mais ça c'est mais avec différentes positions qui s'adaptent forcément à votre photo. Alors malheureusement, c'est une news qui n'est... Non, t'as pas le droit. Là, on peut choisir un autre personnage. On a un auditeur qui va le faire, qui va le ou on le fait nous-mêmes. Richard Dean Anderson, Amanda Lear. Mais David Hasselhoff, c'est vrai. Donc ça n'existe pas, mais je pense que ça existera prochainement. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit David Hasselhoff pour fêter ça fait longtemps. Alors, il y a eu plusieurs chansons. Il y en a une qui parlait de David Hasselhoff, dans lequel il a fait une apparition dans le clip. Mais là, on vous parle vraiment de l'album de David Hasselhoff. Et ça sera Hooked on a Feeling. Magnifique, ça fait. Là, déjà, l'application Bitdefender, elle bloque. Ça sera prêt. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique comme musique. La bonne musique de Toto Fernandez. Et après, on dit du mal dans mon délire quand même. Alors que. Qui a dit du mal dans mon délire ? Moi, j'aime bien. C'est ironique ou. Ouais, il y a pire. Au niveau des replis de Vice Pressé, j'ai connu pire. Ouais, oui. Ça reste pas du. Enfin, je vais pas mettre ça dans MP3 ou. Non, en quoi ? Je vais vite l'oublier, on va dire. Ça, ça date environ de 2005-2006. Donc, Dom, tu m'avais présenté une émission où il y avait David Hasselhoff qui était assis sur le siège principal. C'est le... un roast, non ? Un roast, voilà, l'émission américaine, où un invité est là et il s'en prend plein la gueule. Enfin, gentiment, mais... Non, il s'en prend vraiment plein la gueule. On lui fait revivre sa carrière, les bons comme les mauvais moments, et surtout les mauvais moments, avec des tas d'invités qui viennent lui rendre hommage d'une façon de parler. Mais il parlait de tout, hein. C'est sans tabou dans cette émission, j'ai l'impression. Il parlait de la scène du burger où on voit David Hasselhoff sur internet manger un burger complètement arraché. Avec sa fille. Sa fille qu'il filme. Toute sa vie repasse devant ses yeux. Et... Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que David Hasselhoff prend ça avec un humour. Enfin, je pense que les gens qui vont dans cette émission savent qu'ils vont se faire démonter et il faut qu'ils prennent avec humour. Il y avait Pamela Anderson qui participait, mais elle l'a fait pour la bonne cause, parce qu'il lui avait dit que si elle venait, ils allaient donner de l'argent pour une cause animale. Mmh. Et, elle le prenait beaucoup moins bien. On sent vraiment que elle était là parce que pour la cause et qu'il y a toujours des gens. Il y avait qui aussi ? Il y avait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Il y a peut-être Hulk Hogan. Il y en a eu un, il y a très peu, il y en a eu un en début d'année, mais je sais plus, c'est un acteur, mais lui, il n'y a pas vraiment de raison pour qu'il soit dans le roast en fait. Et plus avec ses amis, il y avait Seth Rogen, il y avait plein de gens. C'est je ne sais plus comment il s'appelle. C'est des occasions supplémentaires de faire du buzz. Hein. Ouais. Non, c'est beau. Ça, c'est dans mon lecteur MP3. À quand David Hasselhoff qui reprend le vice? Non, logiquement, ça devrait être Elvis Presley qui reprend du David Hasselhoff. Mais bon, on a... n'est pas dans un monde parfait. Mais oui, mais on n'est pas dans un monde parfait. Avec les images de synthèse et tout. On n'est pas dans un monde parfait, mais logiquement, on pourrait le faire. Le mec dit non, mais je vais ressusciter, c'est pas possible. C'est trop bien ce qu'il fait. Qui a fait un album avec un mort ? Beaucoup de monde. C'est Hélène Segarra. Hélène Segarra avec Joe Dassin. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup de monde a fait ça. Bon, Nancy Sinatra avec son père, mais bon. Avec qui ? Avec Joe Dassin. Joe. C'est le seul qui a accepté en fait de faire un album. Je l'ai écouté, c'est bien fait. Bon, après, c'est pas dur, mais. C'est une émission spéciale album découvert. Non. Joe. Et c'est une émission. Pas... Le clip commence comme une pub pour une imprimante, mais en fait non. C'est vraiment le début du clip. Oula, pauvre Joe. Donc il chante avec. En duo. C'est là qu'on dit que c'est moche de mourir quand même. Il chante et Hélène Ferreira chante. Ils sont en duo. Ben, si tu regardes bien, c'est comme ce qu'on écoutait Santana et Rock Voisine. Je suis sûr qu'ils n'ont pas joué dans le même studio, j'en suis 100% sûr. C'est sûr. Bah, beaucoup de d'albums. Bah, déjà, Rock Voisine, il ne laisse pas rentrer dans un studio, quoi. C'est pas possible. Il ne sait même pas ce que c'est de lui. Il va se déguiser en livreur de pizza. Et ben, on va pas t'inventer. Pauvre Joe. C'est triste. C'est triste. Bon, on va arrêter les souffrances ici, là. On fait venir les intermittents du spectacle, on se retrouve juste après la pause et on va faire le quiz de David qui nous a qui nous propose un quiz musical sur lequel on va s'arracher les dents. Non, il est assez simple, il est assez simple. A tout de suite. C'est quand on dit ça que c'est le plus compliqué. Non. Vous êtes toujours sur la radio Bellafonte et dans l'Another Podcast. Vous n'êtes pas dans Underground Access, mais bien sûr l'Another Podcast. Et on continue tout de suite ce quiz musical avec David qui nous a préparé de belles chansons aujourd'hui. Hein. Il a travaillé toute la semaine. Je ne sais pas, oui. On est chaud comme de la braise. Alors on va commencer tout de suite par une très facile. Elle est très simple, je pense. Ouh là là, oh ça sent de Windsurfer, non. Windjammer, non. Non. Outrun. Ah, Outrun bah, J'ai le vent dans les cheveux. Bon allez, je vais te donner un indice, parce que c'était un très très simple, c'est un jeu de baston. Street Fighter. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est, de combien? C'est ouais. Super Street Fighter, on peut le dire, Super Street Fighter 2. Waouh. En fait, l'astuce c'était que c'était le thème de DJ, donc c'était pas le plus évident. J'avoue. Il y en avait des beaucoup plus simples, mais bon, je voulais pas partir dessus. Alors, on va continuer dans un registre qui est proche. Là, François peut trouver. C'est pas Chrono Trigger. Oh. Ça me parle. C'est encore du Street Fighter. Non. Mais c'est du jeu de baston. Je vais mettre tous mes jeux de baston tout de suite, j'en ai 2-3. J'ai les images qui défilent devant mes yeux. Blade Soul. François, tu dois trouver. Ouais, je vais dire King of Fighters. Si non, me non, dire, non, je dois c'est... non, non, c'est un. Non, Garou, Mark of the voilà, Wolf. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est le stage de la fille que tu prends. C'est Otalou. C'est le stage de la gamine. Et tu fais n'importe quoi, voilà, tu invoques un dragon. Ah, une musique 8 bits comme ça, ouais. Je voyais plus vieux que ça, moi. Allez, celle-là. Pas très très belle, mais. Bon, mais je veux bien. Bon, tu verras pourquoi. C'est très mauvais goût. C'est un mandali qui chante, moi. C'est ça. Bon, mais ça me parle aussi. Elle est même affreusement laide, on va dire. Mais le jeu est bien, c'est ça le contraste. Un jeu de baston, ça? Ouais. La vache. Il y a plus j'ai entendu de cette musique. C'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué, on va dire. Le couteau no ok. Capcom versus quelque ouais, chose. Ouais, tu y es presque. Marvel Tekken. Marvel versus Capcom. Ah non, t'étais Capcom VS qui était. Capcom VS. Tekken. Alors, il y a quoi? Street Fighter. Mais non, Capcom c'est Street Fighter. Capcom VS Disney, je sais pas. Et c'est quoi? Il y a Capcom et Neo Geo, c'est quoi? SNK. Voilà, ouais, c'est SNK 2. C'était le London Stage qui est très très laid, on va dire. La musique est pas belle, quoi. Alors là, on va dans un autre registre. Metal Slug. Non. Ah putain, si j'ai les images sous les yeux. Mon dieu. C'est un RPG. Non, c'est plus un. Pas vraiment un shoot, c'est un mélange de. T'as un personnage qui tire, quoi, simplement. Oh là là là là. Putain, ça ressemble à du Metal Slug. C'est le principe, c'est justement. C'est du côté. Le jeu ressemble vraiment à un Metal Slug, quoi. Je crois qu'Alain va regretter de ne pas. Mais c'est plus vieux que Metal Slug. C'est sur Super Nintendo. Oh là là. Gamin. Oh, Megaman, c'est pas non, mal. Non, non, non, non, non, non, non, non. Ouais, oh, il prend pas les musiques. Ah là là là, qui est terrible, la mémoire. Il a deux noms, hein. Il y a un nom en France, enfin en Europe, et un nom américain. Et d'ailleurs, la version est pas tout à fait la même. Pour donner un indice, la version française c'est des robots et la version américaine c'est des mecs. Oh là là là là, c'est terrible. Aucune idée. On s'est fait ? Jamais joué. Ah, je sais, pourtant j'y ai joué. Alors c'est Contra 3. Oh là là. Ou Super Protector pour la version européenne. Ouais, qui était un très très bon jeu quand même. En plus. Ouais, je faisais pourtant des pas trop pas évident de retrouver. Est-ce que t'as, est-ce que t'as des trucs pour des gens qui sont pas nés dans les années 1980 j'ai un peu de tout. Bah regarde, par exemple là j'en ai une ancienne, mais que tu peux trouver la première seconde. Oui. Il y a du Mario. Ah, c'est un RPG ou pas? Non. Non. Zelda? C'est Castlevania ça? Non. J'aurais pu. Oh! Mario? C'est super simple. C'est super simple. Je connais que ça. C'est pas du Zelda. C'est un des jeux les plus durs, les plus durs de l'arcade ou de la Super Nintendo. Et vraiment très nickel. Que ça. Non, c'est pas Golden Ghost. Si, si, c'est Golden Ghost. J'ai joué en arcade. Bah ouais. C'est le café. C'est la musique du cimetière au début en fait. Quand on s'échange le lycée, on allait au café d'à côté. On en a mis des francs à l'époque dedans, dans Golden Ghost. Alors allez, une. C'est le thème du jeu. D'accord. Ça sera plus simple après, je pense. Quand ça va commencer. Aussi un jeu. C'est aussi un jeu arcade et Super Nintendo. Oh là, j'arrive pas à le reconnaître, mais j'ai entendu ça. Bon, c'est pas Dragon Ball. Non. C'est pas un jeu baston. Non. Ça sent le jeu, ça sent le jeu de le beat'em all, ouais. Façon, ouais. Bah, allez, c'est un très connu, hein, donc. C'est pas du Golden Ghost. Non, du. Non. Oh là là. Mon dieu. C'est un jeu CPS-1 pour l'arcade. Pour tellement vous donner un indice. Il y en a pas beaucoup des jeux CPS. C'est du. Ah, c'est fini. C'est pas du Golden Axe ? Non. C'est fini. Et c'est le genre Golden Axe. Eh bien non, c'était Final Fight. Voilà. Et pour moi, c'est. Enfin, ouais. Bon, là, on connaît facilement, mais après, il faut y avoir joué. Ah, non, c'est parce qu'Alain, ça rachète. Ça fait longtemps qu'on a pas joué. Ah oui, c'est ça. Ah oui, bah oui. Il reconnaît. Il avait qu'à être là. Allez, on continue. On change de jeu, de registre. What the fuck? Waouh. On change. C'est RPG. Oula. Oh. Prince of Persia. Sympa. En plus, ça doit être une musique spéciale dans un truc spécifique. C'est la console? Ouais, c'est console. T'as pas la musique du thème, quoi. Plus facilement. Ah, c'est un grand RPG de la Super. C'est pas un Final Fantasy, mais. Secret. Il y en a beaucoup. Non. C'est pas du Is Suikoden? Non. Ah, Suikoden, c'est pas sur, c'est pas sur Super. C'est pas sorti sur Super. Non, le premier, il est sur PlayStation. Oh là là là là. Ça... On va en sécher beaucoup de. Ah, je pensais. Ouais, pourtant, on connaît, mais c'est pas évident de recoller ça, la musique au jeu. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Ah, ouais, en fait, c'est dur quand on n'a pas joué à la Super Nintendo. Il y en aura des plus récentes. C'est ça le problème pour moi. Ouais. Ah, moi, c'est pareil pour tous les jeux que vous mettez, hein, le PC en général. Ah, j'avoue. Alors, je vous séchez ouais. Ah, c'était Chrono Trigger. Non. Ah, si. C'est quelle musique celle-là? Alors, moi j'ai Corridors of Time, donc les couloirs du temps, je ne sais plus. Wow, c'est pas la musique d'intro, là. C'est ça, ouais, c'est la musique d'intro. Putain, on l'a tous retourné. Waouh, c'est pas juste. Mais c'est pas juste. C'est pour ça, c'est pas forcément toujours simple de retrouver les musiques. Hein. Mais il va falloir que j'y rejoue pour écouter cette musique. Allez, là c'est un petit piège. En fait, c'est facile de reconnaître la musique. Le truc, c'est de savoir dans quel jeu ça vient. Alors, c'est pas Rock Band? Il y a dans Guitar Hero. C'est beaucoup plus vieux. Non, parce que écoute bien le son. Elle a un son, on va dire 16 bits. Virtual Orchestra Studio. Non, c'est un jeu Super Nintendo de voiture. Voilà. Après, c'est rock'n'roll. C'est rock'n'roll, c'est rock'n'roll. C'est un indice, c'est rock'n'roll. Rock'n'roll Racer. Presque, Rock'n'Roll Racing. En plus, oh ouais. En fait, c'était. J'avoue que. Il avait cette musique-là, et ouais, fort. Et ouais, c'était le thème. Quand tu lançais le jeu, c'était ça, en fait. Quelqu'un a trouvé une chanson, mais. Ah, mais toi aussi. Un peu au hasard. Allez, bon. Genre, j'en ai une peut-être plus simple. Pour avoir joué. C'est le son Dreamcast, toujours. Dreamcast. Ah, il est aussi sorti sur PC et Xbox, je crois. Mais plus tard. Ah. Je connais qu'un seul jeu sur Dreamcast et je ne me souviens pas du nom. Bah si, Crazy Taxi. Crazy Taxi. Pas celui-là. Moi je pense à un autre. Le jeu de riding. Le jeu de? Ah, le skate, le roller, ouais. Ouais, c'est ouais. Ça, c'est celui-là. Tony. Je vais le retrouver, je vais le retrouver. Il est quelque part dans ma mémoire. J'ai joué sur PC il y a pas longtemps. Ça doit être il est même sorti sur Android. Urban. Non. Il est sorti sur Android. C'est le jeu où tu fais. Tu peux faire des graphes. Tu fais du graffiti. Et du roller. Et tu dois échapper à la police et tout ça. Excellent ce jeu. Et pour faire les graphes, tu dois faire les manips qui s'affichent à l'écran avec le stick en fait. Ah, les musiques étaient sympas, les graphismes étaient vraiment très. Non. Ouais, bah, de toute façon, vous avez trouvé le jeu, donc après. Non, je vais retrouver le nom. Ah, je peux le dire, allez. Tu vas le trouver. Il est là. Juste là, je tourne autour. Oh mon dieu! Non, c'est vrai que c'est pas évident. Je le retrouverai pas et pourtant, je connais ce nom par cœur. Ouais, c'est celui-là. Je... Oui, c'est un DJ nom quelque chose. Non, c'est un nom bizarre. Il y a le mot radio à la fin. Jet Set Radio. Voilà, oh, voilà. Ah oui, c'est terrible. Est-ce que c'est vrai que Jet Set finalement, c'est pas évident. Allez, on a le temps pour combien encore là, on va dire. Fais-toi plaisir. Ça fait plaisir. C'est bonheur. Allez. En fait, t'as fait un spécial jeu vidéo. Oui. Ah d'accord. Tu voulais quoi? Non, mais on a droit de tout mettre dans le quiz. Ah d'accord. Ah oui, absolument. Tout. Surtout n'importe quoi. J'ai des idées pour mon prochain quiz. Mais... On dirait du Ghibli là, mais non. Ça peut. Non. Non, je connais pas du tout. Je sèche. Crate of Mana non. Un truc du genre. Bon, allez, c'est un RPG sur PS2. C'est une très très grande série, mais c'est pas Final Fantasy. Donc il y en a pas des masses. Il y en a pas des masses. C'est pas Zelda. Et non, une grande série qui est pas Final Fantasy. Le concurrent de Final Fantasy au Japon, c'était toujours l'autre. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment un des meilleurs RPG. Enfin, celui-là est vraiment énorme. Secret of Mana. Je connais pas assez. C'était Dragon Quest 8. J'y pensais, mais je ne retrouvais pas le nom. Parce qu'en Europe, c'est vrai que c'est pas une série qui est très très connue, mais le 8, il est sorti sur PS2. On connaît juste parce que c'est le même auteur que Dragon Ball, mais... Ouais. Et le 8 est un des seuls à être sorti en Europe. Ils en sont combien, là, Dragon Quest? C'est jamais joué. Et celui-là, est vraiment, pour moi, il dépasse Final Fantasy 7. Il était vraiment monstrueux. Graphiquement, il était beau. Il y avait un style vraiment de jeu, il y avait des persos charismatiques. Tu veux dire qu'il est plus beau graphiquement que Final Fantasy VII? Non, mais en même temps, c'est sur la PS2, c'est le King. Non, mais je veux dire, il était magnifique, quoi. Alors, il m'en reste quelques-unes. Bon, celle-là, je la mets quand même. J'ai peur que ça soit trop difficile. Vas-y. On n'a pas peur, on est passé après. En fait, c'est un vrai groupe, mais c'est la musique du jeu. C'est du Rock Cage ou quoi? Non, on ne trouvera jamais ça. Dans le prochain quiz de Laurent, il y aura Rock Cage. Jamais. C'est un jeu rétro. Sorti il y a un an, peut-être un peu moins. Je sais plus. On peut reconnaître là. C'est très transformé. Et ça, c'est la musique du truc, hein. C'est vraiment la musique du groupe. Parce que j'ai pris ça parce que c'est un groupe que je connais et qui existe vraiment. Et puis de trouver ça dans un jeu, j'ai trouvé ça vraiment. Assez intéressant. Ça prouve bien que RPG. Les petits jeux indépendants. C'est pas un RPG, c'est pas un RPG. C'est un jeu rétro à l'ancienne, un peu bourrin. Waouh. La musique a l'air bourrin. Ça nous aide beaucoup. Mais justement. Je sèche complètement. Jamais entendu ça. Hotline Miami. Oh, c'est très récent. Ah oui, c'est carrément de l'indépendant. Ouais. C'est cette musique-là. Et en fait, le jeu est vraiment connu pour ses musiques un petit peu. Et là, c'est un groupe qui existe. C'est Sanaro, le groupe. Et. Ils font un son comme ça un petit peu électro-minimaliste et du coup je trouvais ça c'est vraiment un super morceau quoi. Je vais remettre celle-là, allez. Ça fait très Game Over. Ça vaut. Je suis curieux de savoir c'était quoi l'autre parce que... Ok. C'est un jeu de course et de bagnole ça, non? C'est pas la plus évidente du jeu en fait. J'ai peut-être pas pu choisir celle-là. C'est un jeu de boxe. Waouh! Kickboxing! Je suis un autre jeu? Non, je ne connais pas beaucoup. Il y en a un très très bien. Ouais, il y en a un connu. Mais non, c'est un Shitano Joe, mais il est pas, non, c'est pas celui-là. Non, c'est beaucoup plus vieux que ça. Waouh! Oui, j'en vois un. Oui. Tu vois ton personnage en transparence? C'est ça. Tu vois, t'es grand. tu vois, mais ah, les gants. Tu vois, c'est un peu près le même style qu'Andy Turumba dans le sens où c'est assez humoristique, quoi. C'est pas le jeu Mike Tyson, non. Non. C'est sur NES et Super NES. Là, c'est la version. Ouais, alors le nom, c'est possible de retrouver ce jeu. Et pourtant, alors qu'il y a Box dedans. Non. Non. Oh, mon Dieu. Allez, je vais le dire. C'était Super Punch-Out. Punch-Out. Qui est vraiment, pour moi, c'est un... j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur ce jeu. C'était très très bien. Là, oh, je vais avoir. Pour Laurent, je vais mettre un peu plus récent. Ouais. J'ai intérêt à trouver. Putain. Ouais, disons que c'est l'impression. C'est au moins les années 2000. Mais c'est toujours la console. Shenmue. Ouais. Ah bah, en deux secondes. Ah oh là là là là. Boum, laisse-la. Il y avait trop de bruit, j'ai pas entendu. Je sais pas, j'ai jamais joué. Ah, Shenmue, ça se reconnaît. Depuis tout à l'heure, j'attendais, je vous disais. Il va me sortir du Shenmue. J'ai cru que t'allais dire Shenmue à tout, du coup. Donc, album que j'ai pu écouter grâce à Pierre-Yves, qui nous rejoindra pour une émission spéciale cool. Jeux de plateau. Bien. Notre éditeur breton. Terrible ces musiques. Il y en a eu combien de chez nous? Il y en a eu deux. Le 3 est jamais sorti, c'est ça? Deux. Le 2, il était disponible sur Xbox, je crois. Enfin, il était ressorti sur Xbox, mais. Tous les coups, ils vont en ressortir sur Android, tu vois. C'est quand même le jeu qui a fait couler Dreamcast. Pourquoi? Parce qu'il a coûté énormément d'argent à Sega et ils ont eu aucun retour presque financier, quoi. Il y a eu juste les joueurs l'ont acheté, les joueurs ont trouvé ça génial, mais il s'est pas vraiment vendu et il y avait pas. Ils ont utilisé énormément d'argent au développement et en publicité il n'y en avait pas du tout. Et la rumeur, c'est vraiment le jeu qui a coulé Sega, quoi. Mais pourtant il y a plus ou moins carte. Enfin, après peut-être. Bah, il y a le succès d'Steam, mais il a pas vendu tant que ça. Il était pas connu en Europe. En tout cas, les musiques étaient énormes. Ouais, mais c'est qui les a fait? On n'a pas le. Ça, je ne sais pas. Créateur, compositeur. Voilà, c'était la fin de ce 8e épisode de l'Another Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Salut.